petit bonhomme mercurochrome. Ils s'étaient connus à la Marelle, sur un trottoir dans la rue. Cours du miracle de leur enfance, à s'écorcher les genoux en tombant du ciel. Gentil garnement, ils s'étaient jurés de ne jamais se séparer par un serment scellé du ver de leur vie, du ver de leur vie. Les voilà soudain à 40 ans, sentant la bedaine, grâce faire sournoisement. Ils se lancent un corps perdu à la recherche de ce corps perdu à retrouver. Et s'étonnent le lendemain de leur courbature. Et se disent décidément qu'ils n'ont plus 20 ans. Mais sont fiers du ver de leur toc, du ver de leur toc. À 50 ans, quand ils se voient, ou justement ne se voient plus comme avant, n'ont pas l'intérieur. Puisqu'avec l'âge, c'est le début de la sagesse. Ils apprennent ensemble le sens de mots comme presbytie et dioptrie. Et ils se disent un peu amers qu'ils n'ont plus 40 ans, que l'âge progresse comme leur verre s'épaississent. À 70 ans, devenu très sage par la force des choses, à force de persuasion du docteur qui les aura avertis. Ils comparent leur taux de cholestérol, heureux d'être arrivés jusque là, malgré tout, heureux d'être toujours là. Et se disent en trinquant que finalement, à 50 ans, un petit verre, même progressif, c'était bien inoffensif. Ils y sont encore et se retrouvent chaque jour comme au premier, se souvenant à peine de celui d'avant et se disent que finalement, à leur âge avancé, lequel déjà, ils rencontrent des gens bien sympathique, et dans un élan inébranlable se promettent main dans la main de vieillir ensemble et de courir sus au verre qui ne les mangeront pas encore, encore.